Section 6 de Mémoires d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 2. Billet de M. Pasquier, Dieppe, changement de mon éducation, printemps en Bretagne, forêt historique, campagne pélagienne. Coucher de la lune sur la mer. Départ pour Combourg. Description du château. Collège de Dole. Mathématiques et langues. Traits de mémoire. Vacances à Combourg. Vie de château en province. Mœurs féodales. Habitants de Combourg. Secondes vacances à Combourg. Régiment de Conti. Caen à Saint-Malo. Une abbaye. Théâtre. Mariage de mes deux sœurs aînées. Retour au collège. Révolution commencée dans mes idées. Aventure de la Pie. Troisième vacances à Combourg. Le charlatan. Rentrée au collège. Invasion de la France. Je. L'abbé de Chateaubriand. Première communion. Je quitte le collège de Dole. Mission à Combourg. Collège de Rennes. Je retrouve Géril. Moreau, Limoëlan, mariage de ma troisième sœur. Je suis envoyé à Brest pour subir l'examen de garde de marine. Le port de Brest, je retrouve encore Géril. La Pérouse, je reviens à Combourg. Le 4 septembre 1812, j'ai reçu ce billet de M. Pasquier, préfet de police. Cabinet du préfet. Monsieur le préfet de police invite M. de Chateaubriand à prendre la peine de passer à son cabinet, soit aujourd'hui sur les 4 heures de l'après-midi, soit demain à 9 heures du matin. C'était un ordre de m'éloigner de Paris que M. le préfet de police voulait me signifier. Je me suis retiré à Dieppe, qui porta d'abord le nom de Berthville, et fut ensuite appelé Dieppe, il y a déjà plus de 400 ans, du mot anglais deep, profond, mouillage. En 1788, je tins garnison ici avec le second bataillon de mon régiment. Habiter cette ville, de briques dans ses maisons, d'ivoire dans ses boutiques, cette ville à rues propres et à belles lumières, c'était me réfugier auprès de ma jeunesse. Quand je me promenais, je rencontrais les ruines du château d'Arc, que 1000 débris accompagnent. On n'a point oublié que Dieppe fut la patrie de Duquesne. Lorsque je restais chez moi, j'avais pour spectacle la mer. De la table où j'étais assis, je contemplais cette mer qui m'a vu naître et qui baigne les côtes de la Grande-Bretagne, où j'ai subi un si long exil. Mes regards parcouraient les vagues qui me portèrent en Amérique, me rejetèrent en Europe et me reportèrent aux rivages de l'Afrique et de l'Asie. Salut, ô mer, mon berceau et mon image! Je te veux raconter la suite de mon histoire. Si je mens, tes flots, mêlés à tous mes jours, m'accuseront d'imposture chez les hommes à venir. Ma mère n'avait cessé de désirer qu'on me donnât une éducation classique. L'état de marin auquel on me destinait ne serait peut-être pas de mon goût, disait-elle. Il lui semblait bon à tout événement de me rendre capable de suivre une autre carrière. Sa piété la portait à souhaiter que je me décidasse pour l'Église. Elle proposa donc de me mettre dans un collège où j'apprendrais les mathématiques, le dessin, les armes et la langue anglaise. Elle ne parla point du grec et du latin, de peur d'effaroucher mon père, mais elle me les comptait faire enseigner, d'abord en secret, ensuite à découvert, lorsque j'aurais fait des progrès. Mon père agréa la proposition. Il fut convenu que j'entrerais au collège de Dole. Cette ville eut la préférence parce qu'elle se trouvait sur la route de Saint-Malo à Combourg. Pendant l'hiver très froid qui précéda ma réclusion scolaire, le feu prit à l'hôtel où nous demeurions. Je fus sauvé par ma sœur aînée qui m'emporta à travers les flammes. Monsieur de Chateaubriand, retiré dans son château, appela sa femme auprès de lui. Il le fallut rejoindre au printemps. Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu'aux environs de Paris et fleurit 3 semaines plus tôt. Les 5 oiseaux qui l'annoncent, l'hirondelle, le loriot, le coucou, la caille et le rossignol, arrivent avec des brises qui hébergent dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses, d'hyacinthes, de renoncules, d'anémones, comme les espaces abandonnés qui environnent Saint-Jean de Latran et Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères, des champs de genêts et d'ajoncs resplendissent de leurs fleurs qu'on prendrait pour des papillons d'or. Les haies, au long desquelles abondent la fraise, la framboise et la violette, sont décorées d'aubépines, de chèvrefeuilles, de ronces, dont les rejets bruns et courbés portent des feuilles et des fruits magnifiques. Tout fourmille d'abeilles et d'oiseaux. Les essaims et les nids arrêtent les enfants à chaque pas. Dans certains abris, le myrte et le laurier rose croissent en pleine terre comme en Grèce. La figue mûrit comme en Provence. Chaque pommier, avec ses fleurs carminées, ressemble à un gros bouquet de fiancés de village. Au XIIe siècle, les cantons de Fougères, Rennes, Bécherel, Dinan, Saint-Malo et Dole étaient occupés par la forêt de Bréchélian. Elle avait servi de champ de bataille aux Francs et au peuple de la Domnonée. Wes raconte qu'on y voyait l'homme sauvage, la fontaine de Béranton et un bassin d'or. Un document historique du XVe siècle, Les usements et coutumes de la forêt de Brécilien, confirme le roman de Roux. Elle est, disent les usements, de grandes et spacieuses étendues. Il y a 4 châteaux, fort grand nombre de beaux étangs, belle chasse où n'habite aucune bête vénéneuse, ni nulle mouche, 200 futaies, autant de fontaines, nommément la fontaine de Bélanton, auprès de laquelle le chevalier Pontus fit ses armes. Aujourd'hui, le pays conserve des traits de son origine. Entrecoupé de fossés boisés, il a de loin l'air d'une forêt et rappelle l'Angleterre. C'était le séjour des fées, et vous allez voir qu'en effet, j'y ai rencontré une sylphide. Des vallons étroits sont arrosés par de petites rivières non navigables. Ces vallons sont séparés par des landes et par des futaies assez épais de houx. Sur les côtes se succèdent phares, vigies, dolmens, constructions romaines, ruines de châteaux du Moyen-Âge, clochers de la Renaissance. La mer borde le tout, Pline dit de la Bretagne, péninsule spectatrice de l'océan. Entre la mer et la terre s'étendent des campagnes pélagiennes, frontières indécises des deux éléments. L'alouette de champ y vole avec l'alouette marine. La charrue et la barque, un jet de pierre l'une de l'autre, sillonnent la terre et l'eau. Le navigateur et le berger s'empruntent mutuellement leur langue. Le matelot dit « les vagues moutonnent », le pâtre dit « des flottes de moutons ». Des sables de diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, de varechs, des franges d'une écume argentée dessinent la lisière blonde ouverte des blés. Je ne sais plus dans quelle île de la Méditerranée j'ai vu un bas-relief représentant les Néréides attachant des festons au bas de la robe de Cérès. Mais ce qu'il faut admirer en Bretagne, c'est la lune se levant sur la terre et se couchant sur la mer. Établie par Dieu gouvernante de l'abîme, la lune a ses nuages, ses vapeurs, ses rayons, ses ombres portées comme le soleil, mais comme lui, elle ne se retire pas solitaire. Un cortège d'étoiles l'accompagne. À mesure que sur mon rivage natal, elle descend au bout du ciel, elle accroît son silence qu'elle communique à la mer. Bientôt elle tombe à l'horizon, l'intersecte, ne montre plus que la moitié de son front qui s'assoupit, s'incline et disparaît dans la molle incutumescence des vagues. Les astres voisins de leur reine, avant de plonger à sa suite, semblent s'arrêter, suspendus à la cime des flots. La lune n'est pas plutôt couchée qu'un souffle venant du large brise l'image des constellations comme on éteint les flambeaux après une solennité. Je devais suivre mes sœurs jusqu'à Combourg. Nous nous mîmes en route dans la première quinzaine de mai. Nous sortîmes de Saint-Malo au lever du soleil, ma mère, mes 4 sœurs et moi, dans une énorme berline à l'antique. Panneaux surdorés, marchepieds en dehors, glands de pourpre aux 4 coins de l'impériale, 8 chevaux parés comme les mulets en Espagne, sonnettes au cou, grelots aux brides, housses et franges de laine de diverses couleurs, nous traînaient. Tandis que ma mère soupirait, mes sœurs parlaient à perdre haleine, je regardais de mes 2 yeux, j'écoutais de mes 2 oreilles. Je m'émerveillais à chaque tour de roue, premier pas d'un juif errant qui ne se devait plus arrêter. Encore si l'homme ne faisait que changer de lieu, mais ses jours et son cœur changent. Nos chevaux reposèrent à un village de pêcheurs sur la grève de Cancale. Nous traversâmes ensuite les marais et la fiévreuse ville de Dole. Passant devant la porte du collège où j'allais bientôt revenir, nous nous enfonçâmes dans l'intérieur du pays. Durant 4 mortelles lieues, nous n'aperçûmes que des bruyères guirlandées de bois, des friches à peine écrêtées, des semailles de blé noir, courts et pauvres, et d'indigentes avenières. Des charbonniers conduisant des files de petits chevaux à crinières pendantes et mêlées, des paysans à sillons de peau de vic, à cheveux longs, pressaient des bœufs maigres avec des cris aigus et marchaient à la queue d'une lourde charrue, comme des faunes labourant. Enfin, nous découvrîmes une vallée au fond de laquelle s'élevait, non loin d'un étang, la flèche de l'église d'une bourgade. Les tours d'un château féodal montaient dans les arbres d'une futaie éclairée par le soleil couchant. J'ai été obligé de m'arrêter. Mon cœur battait au point de repousser la table sur laquelle j'écris. Les souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leur force et de leur multitude. Et pourtant, que sont-ils pour le reste du monde ? Descendus de la colline, nous guéâmes un ruisseau. Après avoir cheminé une demi-heure, nous quittâmes la grande route et la voiture roula au bord d'un quinconce dans une allée de charmilles dont les cimes s'entrelaçaient au-dessus de nos têtes. Je me souviens encore du moment où j'entrais sous cet ombrage et de la joie effrayée que j'éprouvais. En sortant de l'obscurité du bois, nous franchîmes une avant-cour plantée de noyers, attenante au jardin et à la maison du régisseur. De là, nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de gazon appelée la cour verte. À droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers. À gauche, un autre bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain s'élevait insensiblement, le château se montrait entre deux groupes d'arbres. Sa triste et sévère façade présentait une courtine portant une galerie à mâchicoulis, denticulée et couverte. Cette courtine liait ensemble deux tours inégales en âge, en matériaux, en hauteur et en grosseur, lesquelles tours se terminaient par des créneaux surmontés d'un toit pointu, comme un bonnet posé sur une couronne gothique. Quelques fenêtres grillées apparaissaient çà et là sur la nudité des murs. Un large perron, roide et droit, de 22 marches, sans rampe, sans garde-fou, remplaçait sur les fossés comblés l'ancien pont-levis. Il atteignait la porte du château, percée au milieu de la courtine. Au-dessus de cette porte, on voyait les armes des seigneurs de Combourg et les taillades à travers lesquelles sortaient jadis les bras et les chaînes du pont-levis. La voiture s'arrêta au pied du perron. Mon père vint au-devant de nous. La réunion de la famille adoucit si fort son humeur pour le moment qu'il nous fit la mine la plus gracieuse. Nous montâmes le perron. Nous pénétrâmes dans un vestibule sonore à voûte ogive et de ce vestibule dans une petite cour intérieure. De cette cour, nous entrâmes dans le bâtiment regardant au midi sur l'étang et jointif des deux petites tours. Le château entier avait la figure d'un char à 4 roues. Nous nous trouvâmes de plein pied dans une salle jadis appelée la salle des gardes. Une fenêtre s'ouvrait à chacune de ses extrémités, deux autres coupaient la ligne latérale. Pour agrandir ces 4 fenêtres, il avait fallu excaver des murs de 8 à 10 pieds d'épaisseur. 2 corridors à plans inclinés, comme le corridor de la Grande Pyramide, partaient des 2 angles extérieurs de la salle et conduisaient aux petites tours. Un escalier, serpentant dans l'une de ces tours, établissait des relations entre la salle des gardes et l'étage supérieur. Tel était ce corps de logis. Celui de la façade de la grande et de la grosse tour, dominant le nord du côté de la cour verte, se composait d'une espèce de dortoir carré et sombre qui servait de cuisine. Il s'accroissait du vestibule, du perron et d'une chapelle. Au-dessus de ces pièces était le salon des archives, ou des armoiries, ou des oiseaux, ou des chevaliers, ainsi nommés d'un plafond semé d'écussons coloriés et d'oiseaux peints. Les embrasures des fenêtres étroites et tréflées étaient si profondes qu'elles formaient des cabinets autour desquels régnait un banc de granit. Mêlés à cela, dans les diverses parties de l'édifice, des passages et des escaliers secrets, des cachots et des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des souterrains murés dont les ramifications étaient inconnues, partout silence, obscurité et visages de pierre. Voilà le château de Combourg. Un souper, servi dans la salle des gardes, et où je mangeais sans contrainte, termina pour moi la première journée heureuse de ma vie. Le vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. À peine fus-je réveillé le lendemain que j'allai visiter les dehors du château et célébrer mon avènement à la solitude. Le perron faisait face au nord-ouest. Quand on était assis sur le diasôme de ce perron, on avait devant soi la cour verte, et au-delà de cette cour, un potager étendu entre deux futaies. L'une à droite, le quinconce par lequel nous étions arrivés, s'appelait le Petit Mail, l'autre à gauche, le Grand Mail. Celle-ci était un bois de chênes, de hêtres, de sycomores, d'ormes et de châtaigniers. Madame de Sévigné vantait de son temps ses vieux ombrages. Depuis cette époque, 140 années avaient été ajoutées à leur beauté. Du côté opposé, au midi et à l'est, le paysage offrait un tout autre tableau. Par les fenêtres de la grande salle, on apercevait les maisons de Combourg, un étang, la chaussée de cet étang sur laquelle passait le grand chemin de Rennes, un moulin à eau, une prairie couverte de troupeaux de vaches et séparée de l'étang par la chaussée. Au bord de cette prairie s'allongeait un hameau dépendant d'un prieuré fondé en 1149 par Yvalon, seigneur de Combourg, et où l'on voyait sa statue mortuaire couchée sur le dos en armure de chevalier. Depuis l'étang, le terrain s'élevant par degrés formait un amphithéâtre d'arbres d'où sortaient des campaniles de villages et des tourelles de gentilhommières. Sur un dernier plan de l'horizon, entre l'Occident et le Midi, se profilaient les hauteurs de Bécherelles. Une terrasse bordée de grands buis taillés circulait au pied du château de ce côté, passait derrière les écuries et allait, à diverses reprises, rejoindre le jardin des bains qui communiquait au Grand Mail. Si, d'après cette trop longue description, un peintre prenait son crayon, produirait-il une esquisse ressemblant au château? Je ne le crois pas. Et cependant ma mémoire voit l'objet comme s'il était sous mes yeux. Telle est, dans les choses matérielles, l'impuissance de la parole et la puissance du souvenir. En commençant à parler de Combourg, je chante les premiers couplets d'une complainte qui ne charmera que moi. Demandez au pâtre du Tyrol pourquoi il se plaît aux trois ou quatre notes qu'il répète à ses chèvres. Notes de montagne, jetées d'écho en écho pour retentir du bord d'un torrent au bord opposé. Ma première apparition à Combourg fut de courte durée. 15 jours s'étaient à peine écoulés que je vis arriver l'abbé Porcher, principal du collège de Dole. On me remit entre ses mains et je le suivis malgré mes pleurs. Je n'étais pas tout à fait étranger à Dole. Mon père en était chanoine comme descendant et représentant de la maison de Guillaume de Chateaubriand, sire de Beaufort, fondateur en 1529 d'une première stalle dans le cœur de la cathédrale. L'évêque de Dole était M. de Hercé, ami de ma famille, prélat d'une grande modération politique, qui, à genoux, le crucifix à la main, fut fusillé avec son frère, l'abbé de Hercé, à Quiberon, dans le champ du martyr. En arrivant au collège, je fus confié aux soins particuliers de M. l'abbé le Prince, qui professait la rhétorique et possédait à fond la géométrie. C'était un homme d'esprit, d'une belle figure, aimant les arts, peignant assez bien le portrait. Il se chargea de m'apprendre mon bézout. L'abbé Hego, régent de troisième, devint mon maître de latin. J'étudiai les mathématiques dans ma chambre, le latin dans la salle commune. Il fallut quelque temps à un hibou de mon espèce pour s'accoutumer à la cage d'un collège et régler sa volée au son d'une cloche. Je ne pouvais avoir ces prompts amis que donne la fortune, car il n'y avait rien à gagner avec un pauvre polisson qui n'avait pas même d'argent de semaine. Je ne m'enrôlais point non plus dans une clientèle, car je hais les protecteurs. Dans les jeux, je ne prétendais mener personne, mais je ne voulais pas être mené. Je n'étais bon ni pour tyran ni pour esclave, et tel je suis demeuré. Il arriva pourtant que je devins assez vite un centre de réunion. J'exerçais dans la suite à mon régiment la même puissance. Simple sous-lieutenant que j'étais, les vieux officiers passaient leurs soirées chez moi et préféraient mon appartement au café. Je ne sais d'où cela venait, n'était peut-être ma facilité à entrer dans l'esprit et à prendre les mœurs des autres. J'aimais autant chasser et courir que lire et écrire. Il m'est encore indifférent de deviser des choses les plus communes ou de causer des sujets les plus relevés. Très peu sensible à l'esprit, il m'est presque antipathique, bien que je ne sois pas une bête. Aucun défaut ne me choque, excepté la moquerie et la suffisance que j'ai grand-peine à ne pas morguer. Je trouve que les autres ont toujours sur moi une supériorité quelconque, et si je me sens par hasard un avantage, j'en suis tout embarrassé. Des qualités que ma première éducation avait laissées dormir s'éveillèrent au collège. Mon aptitude au travail était remarquable, ma mémoire extraordinaire. Je fis des progrès rapides en mathématiques, où j'apportais une clarté de conception qui étonnait l'abbé Leprince. Je montrais en même temps un goût décidé pour les langues. Le rudiment, supplice des écoliers, ne me coûta rien à apprendre. J'attendais l'heure des leçons de latin avec une sorte d'impatience, comme un délassement de mes chiffres et de mes figures de géométrie. En moins d'un an, je devins fort cinquième. Par une singularité, ma phrase latine se transformait si naturellement en pentamètre que l'abbé Ego m'appelait l'élégiaque, nom qui me pense à rester parmi mes camarades. Quant à ma mémoire, en voici deux traits. J'appris par cœur mes tables de logarithme, c'est-à-dire qu'un nombre étant donné dans la proportion géométrique, je trouvais de mémoire son exposant dans la proportion arithmétique et vice-versa. Après la prière du soir que l'on disait en commun à la chapelle du collège, le principal faisait une lecture. Un des enfants pris au hasard était obligé d'en rendre compte. Nous arrivions fatigués de jouer et mourant de sommeil à la prière. Nous nous jetions sur les bancs, tâchant de nous enfoncer dans un coin obscur pour n'être pas aperçus et conséquemment interrogés. Il y avait surtout un confessionnal que nous nous disputions comme une retraite assurée. Un soir, j'avais eu le bonheur de gagner ce port et je m'y croyais en sûreté contre le principal. Malheureusement, il signala ma manœuvre et résolut de faire un exemple. Il lut donc lentement et longuement le second point d'un sermon. Chacun s'endormit. Je ne sais par quel hasard je restais éveillé dans mon confessionnal. Le principal, qui ne me voyait que le bout des pieds, crut que je dodinais comme les autres, et tout à coup, m'apostrophant, il me demanda ce qu'il avait lu. Le second point du sermon contenait une énumération des diverses manières dont on peut offenser Dieu. Non seulement je dis le fond de la chose, mais je repris les divisions dans leur ordre, et répétait presque mot à mot plusieurs pages d'une prose mystique inintelligible pour un enfant. Un murmure d'applaudissements s'éleva dans la chapelle. Le principal m'appela, me donna un petit coup sur la joue et me permit en récompense de ne me lever le lendemain qu'à l'heure du déjeuner. Je me dérobais modestement à l'admiration de mes camarades et je profitais bien de la grâce accordée. Cette mémoire des mots qui ne m'est pas entièrement restée a fait place chez moi à une autre sorte de mémoire plus singulière dont j'aurai peut-être occasion de parler. Une chose m'humilie. La mémoire est souvent la qualité de la sottise. Elle appartient généralement aux esprits lourds qu'elle rend plus pesant par le bagage dont elle est surcharge. Et néanmoins, sans la mémoire, que serions-nous ? Nous oublierions nos amitiés, nos amours, nos plaisirs, nos affaires, le génie ne pourrait rassembler ses idées. Le cœur le plus affectueux perdrait sa tendresse s'il ne se souvenait plus. Notre existence se réduirait aux moments successifs d'un présent qui s'écoule sans cesse. Il n'y aurait plus de passé. Oh, misère de nous ! Notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre mémoire. J'allais passer le temps des vacances à Combourg. La vie de château aux environs de Paris ne peut donner une idée de la vie de château dans une province reculée. La terre de Combourg n'avait pour tout domaine que des landes, quelques moulins et les deux forêts, Bourgouette et Tannoherne, dans un pays où le bois est presque sans valeur. Mais Combourg était riche en droits féodaux. Ces droits étaient de diverses sortes. Les uns déterminaient certaines redevances pour certaines concessions ou fixaient des usages nés de l'ancien ordre politique. Les autres ne semblaient avoir été dans l'origine que des divertissements. Mon père avait fait revivre quelques-uns de ces derniers droits afin de prévenir la prescription. Lorsque toute la famille était réunie, nous prenions part à ces amusements gothiques. Les trois principaux étaient le saut des poissonniers, la quintaine et une foire appelée l'angevine. Des paysans en sabots et en braies, hommes d'une France qui n'est plus, regardaient ces jeux d'une France qui n'était plus. Il y avait prix pour le vainqueur, amende pour le vaincu. La quintaine conservait la tradition des tournois. Elle avait sans doute quelque rapport avec l'ancien service militaire des fiefs. Elle est très bien décrite dans Ducange, voqué Quintana. On devait payer les amendes en ancienne monnaie de cuivre jusqu'à la valeur de 2 moutons d'or à la couronne de 25 sols parisis chacun. La foire appelée Langevine se tenait dans la prairie de l'étang, le 4 septembre de chaque année, jour de ma naissance. Les vassaux étaient obligés de prendre les armes. Ils venaient au château lever la bannière du seigneur. De là, ils se rendaient à la foire pour établir l'ordre et prêter force à la perception d'un péage dû au comte de Combourg par chaque tête de bétail, espèce de droit régalien. À cette époque, mon père tenait table ouverte. On balait pendant 3 jours, les maîtres dans la grande salle au raclement d'un violon, les vassaux dans la cour verte au nasillement d'une musette. On chantait, on poussait des huzas, on tirait des arquebusades. Ces bruits se mêlaient au mugissement des troupeaux de la foire, la foule vaguait dans les jardins et les bois, et du moins une fois l'an, on voyait à Combourg quelque chose qui ressemblait à de la joie. Ainsi j'ai été placé assez singulièrement dans la vie pour avoir assisté aux courses de la quintaine et à la proclamation des droits de l'homme. Pour avoir vu la milice bourgeoise d'un village de Bretagne et la garde nationale de France, la bannière des seigneurs de Combourg et le drapeau de la Révolution. Je suis comme le dernier témoin des mœurs féodales. Les visiteurs que l'on recevait au château se composaient des habitants de la bourgade et de la noblesse de la banlieue. Ces honnêtes gens furent mes premiers amis. Notre vanité met trop d'importance au rôle que nous jouons dans le monde. Le bourgeois de Paris rit du bourgeois d'une petite ville. Le noble de cour se moque du noble de province. L'homme connu dédaigne l'homme ignoré, sans songer que le temps fait également justice de leurs prétentions, et qu'ils sont tous également ridicules ou indifférents aux yeux des générations qui se succèdent. Le premier habitant du lieu était un monsieur Potelet, ancien capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes, qui redisait de grandes histoires de Pondichéry. Comme il les racontait, les coudes appuyés sur la table, mon père avait toujours envie de lui jeter son assiette au visage. Venait ensuite l'entrepositaire des tabacs, M. Launay de la Billardière, père de famille qui comptait 12 enfants, comme Jacob, 9 filles et 3 garçons, dont le plus jeune, David, était mon camarade de jeu. Le bonhomme s'avisa de vouloir être noble en 1789. Il prenait bien son temps. Dans cette maison, il y avait force joie et beaucoup de dettes. Le sénéchal Gesbert, le procureur fiscal Petit, le receveur Corvésier, le chapelain l'abbé Chalmel formaient la société de Combourg. Je n'ai pas rencontré à Athènes des personnages plus célèbres. Messieurs du Petit Bois, de Château d'Assy, de Tinténiac, un ou deux autres gentilshommes venaient le dimanche entendre la messe à la paroisse et dîner ensuite chez le châtelain. Nous étions plus particulièrement liés avec la famille Trémaudan, composée du mari et de la femme extrêmement belle, d'une sœur naturelle et de plusieurs enfants. Cette famille habitait une métairie, qui n'attestait sa noblesse que par un colombier. Les Trémaudan vivent encore. Plus sages et plus heureux que moi, ils n'ont point perdu de vue les tours du château que j'ai quitté depuis 30 ans. Ils font encore ce qu'ils faisaient lorsque j'allais manger le pain bis à leur table. Ils ne sont point sortis du port dans lequel je ne rentrerai plus. Peut-être parlent-ils de moi au moment même où j'écris cette page. Je me reproche de tirer leur nom de sa protectrice obscurité. Ils ont douté longtemps que l'homme dont ils entendaient parler fût le petit chevalier. Le recteur ou curé de Combourg, l'abbé Sévin, celui-là même dont j'écoutais le prône, a montré la même incrédulité. Il ne se pouvait persuader que le polisson, camarade des paysans, fut le défenseur de la religion. Il a fini par le croire, et il me cite dans ses sermons, après m'avoir tenu sur ses genoux. Ces dignes gens qui ne mêlent à mon image aucune idée étrangère, qui me voient tel que j'étais dans mon enfance et dans ma jeunesse, me reconnaîtraient-ils aujourd'hui, sous les travestissements du temps? Je serais obligé de leur dire mon nom avant qu'ils me voulussent presser dans leurs bras. Je porte malheur à mes amis. Un garde-chasse appelé Rau, qui s'était attaché à moi, fut tué par un braconnier. Ce meurtre me fit une impression extraordinaire. Quel étrange mystère dans le sacrifice humain! Pourquoi faut-il que le plus grand crime et la plus grande gloire soient de verser le sang de l'homme? Mon imagination me représentait Roux tenant ses entrailles dans ses mains et se traînant à la chaumière où il expira. Je conçus l'idée de la vengeance. Je m'aurais voulu battre contre l'assassin. Sous ce rapport, je suis singulièrement né. Dans le premier moment d'une offense, je la sens à peine, mais elle se grave dans ma mémoire. Son souvenir, au lieu de décroître, s'augmente avec le temps. Il dort dans mon cœur des mois, des années entières, puis il se réveille à la moindre circonstance avec une force nouvelle. Ma blessure devient plus vive que le premier jour. Mais si je ne pardonne point à mes ennemis, je ne leur fais aucun mal. Je suis rancunier et ne suis point vindicatif. Ai-je la puissance de me venger? J'en perds l'envie. Je ne serai dangereux que dans le malheur. Ceux qui m'ont cru faire céder en m'opprimant se sont trompés. L'adversité est pour moi ce qu'était la terre pour hanter. Je reprends des forces dans le sein de ma mère. Si jamais le bonheur m'avait enlevé dans ses bras, il m'eût étouffé. Je retournai à Dole, à mon grand regret. L'année suivante, il y eut un projet de descente à Jersey, et un camp s'établit auprès de Saint-Malo. Des troupes furent cantonnées à Combourg. Monsieur de Chateaubriand donna, par courtoisie, successivement asile aux colonels des régiments de Touraine et de Conti. L'un était le duc de Saint-Simon, et l'autre le marquis de Causans. 20 officiers étaient tous les jours invités à la table de mon père. Les plaisanteries de ces étrangers me déplaisaient, leurs promenades troublaient la paix de mes bois. C'est pour avoir vu le colonel en second du régiment de Conti, le marquis de Vignacourt, galoper sous des arbres, que des idées de voyage me passèrent pour la première fois par la tête. Quand j'entendais nos hôtes parler de Paris et de la cour, je devenais triste. Je cherchais à deviner ce que c'était que la société. Je découvrais quelque chose de confus et de lointain. Mais bientôt, je me troublais. Des tranquilles régions de l'innocence, en jetant les yeux sur le monde, j'avais des vertiges, comme lorsqu'on regarde la terre du haut de ses tours qui se perdent dans le ciel. Une chose me charmait pourtant, la parade. Tous les jours, la garde montante défilait, tambour et musique en tête, au pied du perron, dans la cour verte. Monsieur de Causans proposa de me montrer le camp de la côte, mon père y consentit. Je fus conduit à Saint-Malo par monsieur de la Morandais, très bon gentilhomme, mais que la pauvreté avait réduit à être régisseur de la terre de Combourg. Il portait un habit de camelot gris, avec un petit galon d'argent au collet, une tétière ou morion de feutre gris à oreille, à une seule corne en avant. Il me mit à califourchon derrière lui, sur la croupe de sa jument Isabelle. Je me tenais au ceinturon de son couteau de chasse, attaché par-dessus son habit. J'étais enchanté. Lorsque Claude de Bullion et le père du président de la Moignon, enfant, allaient en campagne, on les portait tous les deux sur un même âne, dans des paniers, l'un d'à côté, l'autre de l'autre, et l'on mettait un pain du côté de la Moignon parce qu'il était plus léger que son camarade pour faire le contrepoids. Mémoire du président de la Moignon. Monsieur de la Morandais prit des chemins de traverse. Moult volontiers, de grands manières, à Loite en bois et en rivière, car nulle gens ne vont en bois, moult volontiers, comme François. Nous nous arrêtâmes pour dîner à une abbaye de bénédictins qui, faute d'un nombre suffisant de moines, venait d'être réunie à un chef-lieu de l'ordre. Nous n'y trouvâmes que le père procureur, chargé de la disposition des biens meubles et de l'exploitation des futaies. Il nous fit servir un excellent dîner maigre à l'ancienne bibliothèque du prieur. Nous mangeâmes quantité d'œufs frais avec des carpes et des brochets énormes. À travers l'arcade d'un cloître, je voyais de grands sycomores qui bordaient un étang. La cognée les frappait aux pieds, leurs cimes tremblaient dans l'air, et ils tombaient pour nous servir de spectacle. Des charpentiers venus de Saint-Malo sciaient à terre des branches vertes comme on coupe une jeune chevelure, ou écarissaient des troncs abattus. Mon cœur saignait à la vue de ces forêts ébréchées et de ce monastère déshabité. Le sac général des maisons religieuses m'a rappelé depuis le dépouillement de l'abbaye qui en fut pour moi le pronostic. Arrivé à Saint-Malo, j'y trouvai le marquis de Causans. Je parcourus sous sa garde les rues du camp. Les tentes, Les faisceaux d'armes, les chevaux au piquet, formaient une belle scène avec la mer, les vaisseaux, les murailles et les clochers lointains de la ville. Je vis passer, en habit de hussard, au grand galop sur un barbe, un de ces hommes en qui finissait un monde, le duc de Lauzun. Le prince de Carignan, venu au camp, épousa la fille de monsieur de Boisgarin, un peu boiteuse mais charmante. Cela fit grand bruit, et donna matière à un procès que plaide encore aujourd'hui monsieur Lacretelle l'aîné. Mais quel rapport ces choses ont-elles avec ma vie ? À mesure que la mémoire de mes privés amis, dit Montaigne, leur fournit la chose entière, ils reculent si arrière leur narration que si le conte est bon, ils en étouffent la bonté. S'il ne l'est pas, vous êtes à maudire, ou l'heure de leur mémoire, ou le malheur de leur jugement. J'ai vu des récits bien plaisants devenir très ennuyeux en la bouche d'un seigneur. J'ai peur d'être ce seigneur. Mon frère était à Saint-Malo lorsque monsieur de la Morandais m'y déposa. Il me dit un soir, « Je te mène au spectacle, prends ton chapeau. » Je perds la tête, je descends droit à la cave pour chercher mon chapeau qui était au grenier. Une troupe de comédiens ambulants venait de débarquer. J'avais rencontré des marionnettes, je supposais qu'on voyait au théâtre des polichinelles beaucoup plus beaux que ceux de la rue. J'arrive, le cœur palpitant, à une salle bâtie en bois dans une rue déserte de la ville. J'entre par des corridors noirs, non sans un certain mouvement de frayeur, on ouvre une petite porte, et me voilà avec mon frère dans une loge à moitié pleine. Le rideau était levé, la pièce commençait. On jouait le père de famille. J'aperçois deux hommes qui se promenaient sur le théâtre en causant et que tout le monde regardait. Je les pris pour les directeurs des marionnettes qui devisaient devant la cahute de Madame Gigogne en attendant l'arrivée du public. J'étais seulement étonné qu'ils parlassent si haut de leurs affaires et qu'on les écoutât en silence. Mon ébahissement redoubla lorsque d'autres personnages, arrivant sur la scène, se mirent à faire de grands bras, à larmoyer, et lorsque chacun se mit à pleurer par contagion. Le rideau tomba sans que j'eusse rien compris à tout cela. Mon frère descendit au foyer entre les deux pièces. Demeuré dans la loge, au milieu des étrangers dont ma timidité me faisait un supplice, j'aurais voulu être au fond de mon collège. Telle fut la première impression que je reçus de l'art de Sophocle et de Molière. La troisième année de mon séjour à Dole fut marquée par le mariage de mes deux sœurs aînées. Marianne épousa le comte de Marigny et Bénigne le comte de Québriac. Elles suivirent leur mari à Fougères, signal de la dispersion d'une famille dont les membres devaient bientôt se séparer. Mes sœurs reçurent la bénédiction nuptiale à Combourg le même jour, à la même heure, au même hôtel, dans la chapelle du château. Elles pleuraient, ma mère pleurait. Je fus étonné de cette douleur. Je la comprends aujourd'hui. Je n'assiste pas à un baptême ou à un mariage sans sourire amèrement ou sans éprouver un serrement de cœur. Après le malheur de naître, je n'en connais pas de plus grand que celui de donner le jour à un homme. Cette même année commença une révolution dans ma personne comme dans ma famille. Le hasard fit tomber entre mes mains deux livres bien divers, un Horace non châtié et une histoire des confessions mal faites. Le bouleversement d'idées que ces deux livres me causèrent est incroyable. Un monde étrange s'éleva autour de moi. D'un côté, je soupçonnais des secrets incompréhensibles à mon âge, une existence différente de la mienne, des plaisirs au-delà de mes jeux, des charmes d'une nature ignorée dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère et des sœurs. D'un autre côté, des spectres traînant des chaînes et vomissant des flammes m'annonçaient les supplices éternels pour un seul péché dissimulé. Je perdis le sommeil. La nuit, je croyais voir tour à tour des mains noires et des mains blanches passer à travers mes rideaux. Je vins à me figurer que ces dernières mains étaient maudites par la religion, et cette idée accrut mon épouvante des ombres infernales. Je cherchais en vain dans le ciel et dans l'enfer l'explication d'un double mystère. Frappé à la fois au moral et au physique, je luttais encore avec mon innocence contre les orages d'une passion prématurée et les terreurs de la superstition. Dès lors, je sentis s'échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie. J'expliquai le quatrième livre de l'Énéide et lisais le Télémaque. Tout à coup, je découvris dans Didon et dans Eucharis des beautés qui me ravirent. Je devins sensible à l'harmonie de ces vers admirables et de cette prose antique. Je traduisis un jour à livre ouvert La Eneadum Genitrix Hominum Divumque Voluptas de Lucrèce, avec tant de vivacité que M. Ego m'arracha le poème et me jeta dans les racines grecques. Je dérobai un tibule. Quand j'arrivai au quam juvat imites ventos audire cubantem, ces sentiments de volupté et de mélancolie semblèrent me révéler ma propre nature. Les volumes de Massillon, qui contenaient les sermons de la pécheresse et de l'enfant prodigue, ne me quittaient plus. On me les laissait feuilleter, car on ne se doutait guère de ce que j'y trouvais. Je volais de petits bouts de cierge dans la chapelle pour lire la nuit ces descriptions séduisantes des désordres de l'âme. Je m'endormais en balbutiant des phrases incohérentes où je tâchais de mettre la douceur, le nombre et la grâce de l'écrivain qui a le mieux transporté dans la prose l'euphonie racinienne. Si j'ai, dans la suite, peint avec quelque vérité les entraînements du cœur mêlés au sein des raisons chrétiennes, je suis persuadé que j'ai dû ce succès au hasard qui me fit connaître au même moment deux empires ennemis. Les ravages que porta dans mon imagination un mauvais livre eurent leur correctif dans les frayeurs qu'un autre livre m'inspirant, et celles-ci furent comme alanguies par les molles pensées que m'avaient laissées des tableaux sans voile. Ce qu'on dit d'un malheur, qu'il n'arrive jamais seul, on le peut dire des passions. Elles viennent ensemble, comme les muses ou comme les furies. Avec le penchant qui commençait à me tourmenter, naquit en moi l'honneur, exaltation de l'âme qui maintient le cœur incorruptible au milieu de la corruption, sorte de principe réparateur placé auprès d'un principe dévorant, comme la source inépuisable des prodiges que l'amour demande à la jeunesse et des sacrifices qu'il impose. Lorsque le temps était beau, les pensionnaires du collège sortaient le jeudi et le dimanche. On nous menait souvent au Mont d'Ol, au sommet duquel se trouvaient quelques ruines gallo-romaines. Du haut de ce tertre isolé, l'œil plane sur la mer et sur des marais où voltigent pendant la nuit des feux follets, lumière des sorciers qui brûlent aujourd'hui dans nos lampes. Un autre but de nos promenades était les prés qui environnaient un séminaire d'eudistes, d'Eudes, frères de l'historien Mézeray, fondateur de leur congrégation. Un jour du mois de mai, l'abbé Ego, préfet de semaine, nous avait conduits à ce séminaire. On nous laissait une grande liberté de jeu, mais il était expressément défendu de monter sur les arbres. Le régent, après nous avoir établis dans un chemin herbu, s'éloigna pour dire son bréviaire. Des hommes bordaient le chemin. Tout à la cime du plus grand brillait un nid de pie. Nous voilà en admiration, nous montrant mutuellement la mère assise sur ses œufs, et pressée du plus vif désir de saisir cette superbe proie. Mais qui oserait tenter l'aventure ? L'ordre était si sévère, le régent si près, l'arbre si haut. Toutes les espérances se tournent vers moi. Je grimpais comme un chat. J'hésite, puis la gloire l'emporte. Je me dépouille de mon habit, j'embrasse l'orme et je commence à monter. Le tronc était sans branche, excepté aux deux tiers de sa crue, où se formait une fourche dont une des pointes portait le nid. Mes camarades, assemblés sous l'arbre, applaudissaient à mes efforts, me regardant l'endroit d'où pouvait venir le préfet, trépignant de joie dans l'espoir des œufs, mourant de peur dans l'attente du châtiment. J'aborde au nid. La pie s'envole, je ravis les œufs, je les mets dans ma chemise et redescends. Malheureusement, je me laisse glisser entre les tiges jumelles et j'y reste à califourchon. L'arbre étant élagué, je ne pouvais appuyer mes pieds ni à droite ni à gauche pour me soulever et reprendre le limbe extérieur. Je demeure suspendu en l'air à 50 pieds. Tout à coup un cri « Voici le préfet !» et je me vois incontinent abandonné de mes amis comme c'est l'usage. Un seul, appelé le Gobien, essaya de me porter secours et fut tôt obligé de renoncer à sa généreuse entreprise. Il n'y avait qu'un moyen de sortir de ma fâcheuse position, c'était de me suspendre en dehors par les mains à l'une des deux dents de la fourche et de tâcher de saisir avec mes pieds le tronc de l'arbre au-dessous de sa bifurcation. J'exécutais cette manœuvre au péril de ma vie. Au milieu de mes tribulations, je n'avais pas lâché mon trésor. J'aurais pourtant mieux fait de le jeter, comme depuis j'en ai jeté tant d'autres. En dévalant le tronc, je m'écorchais les mains, je m'éraillais les jambes et la poitrine, et j'écrasai les œufs. Ce fut ce qui me perdit. Le préfet ne m'avait point vu sur l'orme, je lui cachai assez bien mon sang, mais il n'y eut pas moyen de lui dérober l'éclatante couleur d'or dont j'étais barbouillé. « Allons, me dit-il, monsieur, vous aurez le fouet. » Si cet homme eût annoncé qu'il commuait ses peines en celle de mort, j'aurais éprouvé un mouvement de joie. L'idée de la honte n'avait point approché de mon éducation sauvage. À tous les âges de ma vie, il n'y a point de supplice que je n'eusse préféré à l'horreur d'avoir à rougir devant une créature vivante. L'indignation s'éleva dans mon cœur. Je répondis à l'abbé Ego, avec l'accent non d'un enfant mais d'un homme, que jamais, ni lui ni personne, ne lèverait la main sur moi. Cette réponse l'anima, il m'appela rebelle et promit de faire un exemple. « Nous verrons, répliquai-je, et je me mis à jouer à la balle avec un sang-froid qui le confondit. Nous retournâmes au collège. Le régent me fit entrer chez lui et m'ordonna de me soumettre. Mes sentiments exaltés firent place à des torrents de larmes. Je représentai à l'abbé Ego qu'il m'avait appris le latin, que j'étais son écolier, son disciple, son enfant, qu'il ne voudrait pas déshonorer son élève et me rendre à la vue de mes compagnons insupportable, qu'il pouvait me mettre en prison, au pain et à l'eau, me priver de mes récréations, me charger de pensum, que je lui saurais gré de cette clémence et l'en aimerais davantage. Je tombai à ses genoux, je joignis les mains, je le suppliai par Jésus-Christ de m'épargner. Il demeura sourd à mes prières. Je me levai plein de rage et lui lançai dans les jambes un coup de pied si rude qu'il en poussa un cri. Il court en clochant à la porte de sa chambre, la ferme à double tour et revient sur moi. Je me retranche derrière son lit. Il m'allonge à travers le lit des coups de férule. Je m'entortille dans la couverture et m'animant en combat, je m'écris « Macte animo, generos et puer ». Cette érudition de Grimaud fit rire malgré lui mon ennemi. Il parla d'armistice. Nous conclûmes un traité. Je convins de m'en rapporter à l'arbitrage du principal. Sans me donner gain de cause, le principal me voulut bien soustraire à la punition que j'avais repoussée. Quand l'excellent prêtre prononça mon acquittement, je baisai la manche de sa robe avec une telle effusion de cœur et de reconnaissance qu'il ne put s'empêcher de me donner sa bénédiction. Ainsi se termina le premier combat qui me fit rendre cet honneur devenu l'idole de ma vie et auquel j'ai tant de fois sacrifié repos, plaisir et fortune. Fin de la section 6.